La Caisse des Jardins du Domaine du Roy rend hommage aujourd'hui à tous les hommes et les femmes qui ont fait de la traversée internationale du lac Saint-Jean un des événements nautiques les plus prestigieux du monde. L'implication de tous les administrateurs et bénévoles, la participation des athlètes, le support des nombreux commanditaires et surtout l'engouement de la population ont permis à cette organisation d'atteindre et de maintenir une notoriété aussi élevée qu'enviable, et ce, après 62 ans. Desjardins vous invite à profiter des plaisirs de l'été et vous souhaite une excellente traversée. C'est la grande messe de la nage en eau libre cette semaine avec la 62e édition de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Il sera encore une fois à Planète 99.5 avec notre ami Claude Bergeron. Je parle évidemment à Marc-André Leclerc. Salut Marc-André! Oui, bon matin, Danny. Marc-André, avant de commencer pour parler, j'ai eu une idée, je l'ai lancée sur les médias sociaux. Ça a pas soulevé la passion, mais tu es un passionné de nage en eau libre, puis je veux avoir ton opinion là-dessus. Pourquoi Robert Val ne deviendrait pas un temple de la renommée de la nage en eau libre au même titre que Cooperstown avec le baseball, que Canton, Ohio avec le football de la NFL? Pourquoi Robert Val n'aurait pas son temple de la renommée? Ben, il y a déjà un temple de renommée là, qui est du côté des États-Unis. Ah, OK. Moi, je pense que ce serait une excellente idée. Je pense que les gens de la traversée, là, c'est un dossier qu'ils pourraient piloter pour les prochaines années pour ramener ça à Robert Val. Robert Val est la capitale mondiale et moi, je trouve que c'est une idée là, que je pense qu'il mériterait un peu là, d'être explorée là, au cours des prochains mois, prochaines semaines. Il est actif, ce temple de la renommée-là? Est-ce qu'on peut penser qu'un Peter Stoichev va se retrouver directement au temple de la renommée? Oui, c'est un temple de la renommée qui est quand même assez actif. Et puis, c'est certain qu'un Peter Stoichev, là, si c'est pas déjà fait, là, va se retrouver, là, bien entendu, là, au temple de la renommée. Là, c'est sûr qu'il a marqué tellement l'histoire, autant ici à Robert Val, mais également aux quatre coins du globe. Donc, c'est certain que c'est quelqu'un qui va, okay, qui va se commencer. Où est-ce qu'il se trouve, hein, ce temple de la renommée-là? Je pense en Floride. Ouais, je pense que c'est du côté de la Floride, là, exactement. Là, j'ai pas. Ça fait un petit bout là, que j'ai pas regardé leurs activités. Là. Okay. Mais si ma mémoire est fidèle, là, d'année en année, là, c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup parler dans les médias. Mais c'est certain que d'année en année, il y a surtout des activités. Puis c'est sûr que c'est un peu loin de nous. Mais de ramener ça. Ramener ça à Robert Val ou travailler avec un concept là, peut-être propre à Robert Val. Je pense que ce serait intéressant parce que sa mémoire est bonne actuellement du côté de la Floride à Fort Lauderdale. Donc, c'est un petit peu loin de Robert Val. Ben oui, c'est ça. Puis de toute façon, ben non, c'est parce que j'ai pensé à suite au décès de Robert Cossette parce que parlais avec j'ai fait une entrevue avec Pierre Bourdon qui écrit un livre sur Robert Cossette. Puis il me disait que Robert Cossette a des trésors de la nage en eau libre, puis il espérait que la traversée mette la main de concert avec la famille sur ces trésors que Robert Cossette là avait. Puis c'est même que l'idée est venue, j'ai dit pourquoi pas fonder un temple de la renommée, puis là tu me dis que finalement il y en a. Ben, je crois pour avoir un musée de la traversée ou quelque chose que la traversée, parce qu'il y a beaucoup de nageurs qui ont des souvenirs. Moi, comme ancien nageur aussi, j'ai plusieurs choses que j'ai conservées, plusieurs articles que j'ai conservés lorsque j'étais jeune, plusieurs photos, plusieurs éléments. Par exemple, je sais que la traversée, on a le dernier casque, dernière lunette de Claudio. Il y a plein de choses, il y a des trésors de cachés un peu partout. De mettre ça ensemble à Robert Val, je pense que ça pourrait être intéressant. Là, et les gens, peu importe les gens qui viennent en juillet à Robert Val durant la traversée, ou en janvier, février, ou peu importe au moment de l'année, pourraient goûter quand même et voir. Il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de trucs intéressants. Il y a encore beaucoup de vidéos. Je me rappelle d'avoir cherché la victoire de Alexandre Leduc en 95, tout ça. Il y a des choses à gauche et à droite là, qu'on devrait mettre ensemble. OK. Si on parlait maintenant de Robert Cossette, ton meilleur souvenir, toi? Ben moi, j'ai deux grands souvenirs de Robert Cossette. Okay. Je pense que l'été 2004 avait été un été très chargé pour lui. Il est rempli d'émotions et de grandes performances. J'ai eu la chance là, de le suivre en embarcation lors de sa traversée là, à 74 ans. Mais également, moi, comme nageur actif en 2004, là, c'est la seule fois que j'ai fait la descente du Saguenay. sous l'invitation là, de M. Cossette et son équipe de me joindre à eux. Et M. Cossette était toujours très fier là, lorsqu'il pouvait ramener des nageurs à son événement. Il était tout le temps très touché qu'on participe. Pour lui, là, la descente du Saguenay en Chicoutimi-Labé, là, ça avait un symbole très, très, très, très fort pour lui. Alors, moi, j'ai été allé une fois le faire en 2004, mais lui, c'était sa 25e descente du Saguenay qu'il avait complété avec brio. Donc, c'est des beaux moments que je voulais partager avec M. Cossette, qui est un exemple de courage, de détermination. Ouais. Et c'est des pionniers. Quand tu es un nageur ou quand tu gravites autour de la traversée, là, je veux dire, M. Amiot, M. Cossette, Claude Dupont, c'est des gens qu'on est habitués de croiser, puis ils font partie de la famille. Hein? Puis moi, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. C'était la semaine dernière, c'est une journée triste. C'est une journée triste pour la grande famille de la natation d'eau libre. Et on vient de perdre un grand pionnier de notre sport qui a permis à des dizaines et des centaines d'autres nageurs comme eux de traverser le lac Saint-Jean et d'accomplir quelque chose de grandiose. Ouais. On va parler maintenant de ce qui s'est arrivé fin de semaine. Xavier Desharnais va tenter encore une fois de conserver son titre. Depuis le départ de Peter Stoichev, c'est pas mal lui le roi du lac Saint-Jean. Oui, bien, effectivement, Xavier a deux victoires. Ex aequo il y a deux ans, 2014, premier l'an dernier, donc deux victoires. Si Xavier remporte, il deviendrait le premier Québécois, premier Canadien à remporter trois fois le lac Saint-Jean. Il y a Paul Desruisseaux au début là, de la traversée à la fin des années 50 qui avait remporté à deux reprises, en 56 et en 57. Mais là, Xavier pourrait devenir le Canadien le plus couronné à Robert Val. Cependant, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte présentement qui sont un peu plus ou moins négatifs pour Xavier Desharnais, Danny. C'est le fait que aujourd'hui, la compétition de 10 km final est un peu un passage obligatoire pour Xavier. Xavier, s'il veut se classer pour les mondiaux les championnats du monde aquatique l'an prochain en Hongrie, il doit terminer parmi les deux premiers aujourd'hui. Sur 10 km, donc c'est un facteur important, donc il doit pas juste dire je fais le 10 km finant comme une balade ou comme un entraînement, il faut qu'il fasse vraiment à fond de train pour terminer parmi les deux premiers, mais également il y a un nageur de très très très grande qualité, Danny, qui va dans le lac Saint-Jean samedi, Alexander Meyer. Meyer, c'est la première fois qu'il va faire le lac Saint-Jean, mais c'est sa dernière compétition en vie, donc pour lui, cet Américain-là de 28 ans, de la région de New York, c'est très symbolique. En plus, Meyer sera coaché par un ancien champion au lac Saint-Jean, Paul Ashmuth. Donc, il sera très bien entraîné. Et Meyer arrive à Robert Val avec une longue fiche, avec un fort pedigree. Il avait remporté le 25 km lors des Mondiaux en 2010 à Robert Val, mais également est vice-champion du monde, donc médaillé d'argent l'an dernier à Kazan, en Russie, sur 25 km. Mmh. Donc, c'est un meilleur et très fort. C'est un gars qui fait des podiums lors des championnats du monde. Également, il est allé aux Olympiques, 10e en 2012 à Londres. Donc, c'est le grand favori, là, l'Américain Alexander Meyer. Ça fait depuis 1994. Qu'un Américain n'a pas remporté la Lac Saint-Jean, 94, 94, 94, Chad Hundeby, qui avait remporté le Lac Saint-Jean. Par contre, le gros avantage, c'est que Desharnais connaît le Lac Saint-Jean. Tu sais, tu m'as parlé de cet Américain-là. Desharnais, et ça, il est imprévisible. L'eau est souvent est froide, les vents, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. Et ça, c'est un grand avantage pour Xavier Desharnais. Oui, tout à fait. C'est très bien dit, Danny, dans le fond. Tout dépendamment des conditions. Moi, je pense que plus les conditions vont être favorables, plus les conditions vont être faciles, entre guillemets, parce que c'est jamais facile de traverser le lac Saint-Jean à la nage. Si les conditions sont plus faciles, c'est sûr que Meyer va dans des conditions qui vont lui ressembler plus. Et donc, ça va être plus un élément de vitesse. Mais si le lac est pas beau, mais il va avoir des problématiques un peu plus. Pour lui, ça va être plus difficile s'il y a de la vague ou tout ça. OK. Les autres à surveiller, est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient avoir une surprise? Là, tu m'as parlé de... Mais il y en a un qui pourrait arriver de nulle part, puis à tout moins surprendre? Oui, bien, les surprises, ça arrive dans des traversées. Ça arrive peut-être une fois en disant qu'on a une grande surprise. C'est quand les meilleurs abandonnent, la température de l'eau, tout ça. Ben sinon, là, nos favoris, là, sont résumés. Donc, on a l'Américain Alexander Mayer, le Canadien Xavier Desharnais, également Philippe Gertin, qui avait terminé deuxième l'an dernier. Très dure bataille, féroce bataille entre lui et Xavier Desharnais. Donc, Philippe est en bonne forme. Lui aussi, il va faire le 10 km aujourd'hui. Sinon, on pense à l'Argentin Damien Blum, 13e participation. Damien a déjà 6 podiums derrière la cravate, donc ça va être très intéressant de le voir aller. Le Français Bertrand Venturi aussi, qui fait toujours bien au Lac Saint-Jean. Il faut pas oublier Tommy Stefanowski, qui a remporté 2 fois le Lac Saint-Jean, qui nous a causé une surprise. Il avait surpris tout le monde en 2013, on le voyait pas aller. C'est le plus âgé, 42-43 ans. C'est sa dernière traversée, dernière compétition à Robertval. Donc, on a 5-6 favoris et c'est très imprévisible, ça va être très intéressant. Ça me dit, il y a un bon contingent et ça, c'est intéressant de voir que la traversée a réussi à attirer des nageurs de qualité cette année. Également, il y avait quand même une abondance au niveau des inscriptions. On parle d'environ une quarantaine d'inscriptions. Et seulement 25 élus, là, 25 chanceux, chanceuses, là, prendront le départ samedi matin. Est-ce que le fait que Rio, dans 2 semaines, est-ce que ça a été, est-ce que ça l'a aidé beaucoup, ça, pour avoir des athlètes? Ben, le fait que Rio, là, les Olympiques commencent à 5 coups d'année, ça a 2 facteurs. Si on prend l'ensemble de la traversée, les compétitions de 10 km et 32 km, ça fait en sorte que certains nageurs européens sont en Amérique, ils vont venir à Robertval. Bizarrement, on dit que la température de l'eau à Rio sera pas super chaude parce qu'ils vont être un peu en pleine mer. Fait à partir de ce moment-là, Robertval pourra avoir des conditions un petit peu similaires. Donc, tu vois, fait que ça peut aider certains nageurs à venir. C'est pour ça qu'il y a des nageurs qui sont aux Olympiques qui vont faire le 10 km. Mais il y en a d'autres qui se concentrent vraiment pour Rio. Fait que c'est vraiment des stratégies puis des tendances et des décisions des athlètes, des entraîneurs et des fédérations. OK. Un mot sur le marathon de la relève qui est présenté demain? Oui, bien, toujours. Et c'est vraiment intéressant, le marathon de la relève, parce que c'est vraiment une pépinière et ça permet vraiment aux athlètes, aux jeunes nageurs, nageuses de vraiment se préparer. Et moi, ce que j'ai toujours aimé du marathon de la relève, c'est que c'est le même. Ça va être du mauvais français, mais c'est le même setup. Hein? Les nageurs ont l'embarcation, c'est le même type de départ, c'est le même type d'arrivée. Fait que ça, c'est hyper intéressant pour ces athlètes-là d'avoir un peu le même type d'organisation. Donc, demain, on va avoir des nageurs de Saint-Félicien, également des nageurs de Robertval, des nageurs de la région qui vont être là. Donc, ça, c'est toujours intéressant. Donc, ils vont tout près de 25 nageurs là, entre 16 et 20 ans environ, là, la moyenne d'âge, à prendre le départ à Marseillage des Marquis. Ça va être très, très intéressant. Donc, vous êtes à l'antenne à compter de quoi? 7 heures le matin, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, samedi matin, c'est la grosse journée, 32 km. Les nageurs vont partir de Péribonka à 8 heures. Donc, nous, tout l'ensemble de l'équipe de Planète, tu le disais tout à l'heure, avec Claude Bergeron, tout ça. Donc, on décolle, l'émission va décoller à 7h au 99.5 et on se rend là jusqu'en fin de journée, jusqu'au dernier nageur qui va toucher au panneau d'aigle. Je dois t'avouer, Marc-André, que je suis très dur avec Planète dans mes commentaires, mais pour l'émission de la traversée, ils sont sur la coche, pas à peu près. Ben, je pense que d'année en année, je pense qu'on a une excellente équipe. Une équipe d'expérience. Oui, 2 embarcations de sur le lac. Il y a Sébastien Bolduc qui est dans l'ancienne Robert Valois également, qui est sur une autre embarcation. Donc, il va aussi, comme moi, de ses analyses. Et avec l'ensemble de l'équipe, avec Louis Arcan, Carole Gay, Claude Bergeron. Donc, on a vraiment une bonne équipe d'expérience. Et c'est pas toujours évident. C'est de la radio, tu sais c'est quoi. Essayer d'imager et tout ça. Donc, c'est pas évident d'expliquer aux gens. Puis, à chaque année, les commentaires sont très positifs et les gens sont attachés à Planète ou l'ancien CHRL. Et ça, c'est un bonheur et toujours un plaisir pour moi de revenir avec l'équipe d'année en année pour faire partie de ça. Parce que comme ancien athlète, j'ai le meilleur siège pour suivre la compétition. Et en plus de pouvoir en parler de ma passion, ben, c'est c'est un cadeau du ciel. Hey, Marc-André, en terminant, je veux te parler, je sais pas, là, j'ai oublié de t'en parler en dehors des ondes que je voulais te parler, mais je veux avoir ton opinion sur Saint-Thomas d'Idine. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu n'as entendu parler? C'est un événement qui est de plus en plus populaire, puis je pense qu'il y a vraiment un bel avenir hein, à Saint-Thomas-d'Idine. Puis surtout qu'on y va avec le principe maintenant que le 10 km gagne en popularité. Oui, puis cette année, c'était la première année là, que j'étais j'étais dans la région durant le fin de semaine. Fait que j'étais allé, c'est des amis là, de la traversée qui organisent ça. On pense à Gabriel Trottier, Gabriel Pelletier, tout ça. Donc c'est toute une équipe d'anciens nageurs qui ont fait ce 32 km et Sarah Berbert qui sont impliqués dans le marathon du lac Adjim. Et c'était moi, c'est la première fois que j'allais visiter ce coin de notre belle région. Puis c'est un coin hyper intéressant. C'est super beau. Le site est super. Donc, ça, au niveau du site, au niveau des organisations, c'est très bien fait. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est vraiment avec un 10 km, mais également, il y a un 15 km. Et c'est super le fun parce que c'est une distance qu'on n'a pas beaucoup ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'autres distances de 15 km et c'est une belle préparation. C'est des 1, 2, 5, après ça un 10. Mais là, du 10 au 32, il y a quand même tout un monde. C'est là, 15, là, c'est une belle distance. Il y avait beaucoup de jeunes nageurs, du bon développement, mais également on avait du Xavier Desharnais, Sabrina Lavoie était là. Donc, on avait vraiment un large éventail. Et je pense qu'on a besoin de ce genre d'événement-là. Puis chapeau à l'organisation, chapeau à Gabriel Trottier, c'est très bien organisé. Ben bravo, on se reparle lundi, Marc-André, pour faire le bilan de tout ça. Merci, Danny. Au revoir. Donc, à 6h, 7h, samedi matin, sur les ondes de Planète, Marc-André Laclaire et toute son équipe pour la traversée du Lac Saint-Jean.